Le journal d'internet sud-coréen Precian a inséré le 8 janvier un écrit contre le crime de Pan Ki-moon, en soulignant que quelques-uns affirment absurdement que Pan pourrait régler le problème de réunification ou le problème nucléaire du Nord avec ses expériences acquises lors de son mandat de secrétaire général de l'ONU. L'auteur a critiqué que pendant la dernière décennie au poste de secrétaire général de l'ONU, Pan n'a fait aucune contribution à l'amélioration des rapports intercoréens, mais s'est associé au pouvoir de Lee Myung-bak et de Park Geun-hye pour la politique contre le Nord en tant que suppléant des États-Unis.